pas grand chose au départ. Je miserai tout pour avoir gros à l'arrivée. Je passerai pas par quatre chemins différents. Ça passera ou cassera, mais inchallah je ferai la différence. Dans cette longue vie, bordée de bien et de mal. Tragique à dire, mais c'est la monnaie qui nous fait rester en vie. Je viserai la cible qui me fera rester toujours en famille et me fera garder toujours le sourire. Prêt à tout pour réussir, j'avancerai torse nu. Été comme hiver, ça sera ma façon de montrer, je tournerai pas ma veste. Un jour tu ris, un jour tu pleures. Tu marres de la concurrence, moi je vais vivre la nuit. Comprends mes écrits, j'avance dans un chemin étroit. Je porte ma valise, ma famille ainsi que ma foi avec moi. Personne pourra m'avoir, personne pourra me berner. Tu sauras maintenant pourquoi je ne mange pas de pommes. J'ai tout misé pour garder espoir. Malgré ce ciel toujours aussi noir, j'ai tout misé en perdre ma foi. Non, ça, jamais, jamais. J'ai tout misé pour garder espoir. Malgré ce ciel toujours aussi noir, j'ai tout misé en perdre ma foi. Non, ça, jamais, jamais. Je viens de là où les cœurs sont fermés. Impossible de lâcher une larme à l'extérieur, mais on s'effondre à l'intérieur. Je me sens mal seulement quand je pense à mes heures devant le Tout-Puissant. Que Dieu me pardonne, je me livrerai à lui corps et âme. J'ai mal, mais je ne dois pas baisser les bras. Mais ça fait trop mal. Et non, lève-toi et bats-toi. C'est comme ça que je veux voir mon futur proche. Les choses, moi, je les prendrai, que ce soit de gré ou de force. Je m'efforcerai de devenir le plus fort. Mes fautes, je les corrigerai seul sans prof. Que Dieu m'en donne la force. La force, je me donnerai de les moyens de la voir chaque jour. Difficile de croire en la lumière quand je suis bordé de noir. La vie restera sans doute telle qu'elle est au final. C'est vrai que je ne suis qu'un homme normal, que je goûterai à la mort. Mais je miserai tout dans ce monde pour montrer qu'il n'y a pas que la gloire qui compte, qui compte. J'ai tout misé pour garder espoir. Malgré ce ciel toujours aussi noir, j'ai tout misé en perdre ma foi. Non, ça, jamais, jamais. J'ai tout misé pour garder espoir. Malgré ce ciel toujours aussi noir, j'ai tout misé en perdre ma foi. Non, ça, jamais, jamais. J'ai tout misé pour garder espoir. Malgré ce ciel toujours aussi noir, j'ai tout misé en perdre ma foi. Non, ça, jamais, jamais. J'ai tout misé pour garder espoir. Malgré ce ciel toujours aussi noir, j'ai tout misé en perdre ma foi. Non, ça, jamais, jamais. J'ai tout misé pour garder espoir. Malgré ce ciel toujours aussi noir, j'ai tout misé en perdre ma foi. Non, ça, jamais, jamais. J'ai tout misé pour garder espoir. Malgré ce ciel toujours aussi noir, j'ai tout misé en perdre ma foi. Non, ça, jamais, jamais.